Donc le banquet à Chypre, sources et problèmes. En fait, si l'on accepte quelques articles portant sur l'âge du bronze, c'est un thème qui bizarrement a été très peu exploré dans le cas de Chypre et un thème qui n'a été exploré le plus souvent abordé que par la bande à propos d'un point d'iconographie ou de matériel faunique découvert dans tel ou tel sanctuaire. Alors, je ne vais évidemment pas traiter de l'ensemble du sujet donc, qui n'a été qu'effleuré hein, vraiment aujourd'hui. Je propose simplement de passer en revue la documentation, les sources disponibles, afin de voir ce qu'on peut dire de la pratique du banquet, entendue comme la consommation collective ritualisée de boissons et nourriture à Chypre à l'âge du fer, entre le 11e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le détail, je pose d'emblée les limites de la documentation, hein, c'est-à-dire qu'on dispose de très peu de sources, peu ou pas de sources écrites, on n'a pas de loi sacrée, hein, comme on peut en posséder pour la Grèce, pas de textes rituels comme on en possède pour le Proche-Orient, et des sources archéologiques tronquées, dans la mesure où aucun habitat de l'âge du fer n'a été publié et qu'on est donc incapable de comparer les données archéozoologiques entre sanctuaires, nécropoles et habitats. Alors d'abord les sources écrites, premier type de documentation. Aucune ne traite directement du banquet et ce n'est qu'incidemment qu'on peut avoir des allusions à telle ou telle pratique. Parmi les sources directes, les inscriptions, on possède des textes de compte qui enregistrent des dépenses occasionnées par le culte, mais il s'agit dans la plupart des cas de rétributions. Donc on a l'évocation de métier, de fonction, on le voit ici avec cet exemple hein, qui est en haut à gauche, c'est le tarif, en haut à gauche, c'est avec celui-là, c'est donc le tarif de Kition, hein, un texte en phénicien, un texte de compte, hein, un enregistrement de compte du 5e siècle, fin 5e siècle avant Jésus-Christ, donc qui a été trouvé à Kition, à Bamboula. Et qui évoque donc des sacrificateurs, les boulangers, hein, la mention donc de gâteaux, donc on a la mention d'un rituel d'offrande de nourriture, mais rien ne porte sur l'éventuelle consommation collective des animaux sacrifiés. De même en langue grecque, hein, pour prendre un autre type de documentation directe, donc en langue grecque et non pas phénicienne comme ici, l'existence de sacrifices sanglants est attestée dans les inscriptions, mais là encore une fois de manière indirecte, par des épiclèses de divinités. On possède ainsi plusieurs inscriptions de Pylades, non loin de Larnaca, non loin de Kition, qui sont donc des inscriptions qui portent des dédicaces à un Apollon Maïrios, un Apollon sacrificateur, hein, qui est une épiclèse exceptionnelle, hein, qui n'est pas, à ma connaissance, attestée ailleurs dans le monde grec. Et du même sanctuaire hein, provient une inscription avec une consécration à un Apollon Lachaeotès, donc que Louis Robert avait interprété donc comme un Apollon oraculaire, hein, l'oracle, la divination se faisant au bruit du grésillement des viandes. Donc à l'épiclèse d'ailleurs, on remarquera que correspondent, venant de ce même sanctuaire de Pylas, des représentations sculptées d'un personnage muni d'un grand couteau, hein, d'un sacrifice, de sacrificateur. Mais bon, rien ne documente explicitement l'existence de banquets, de consommation collective de ces viandes dans les sanctuaires. Si l'on se tourne vers les sources indirectes, c'est-à-dire les textes grecs et latins, donc les sources écrites indirectes, là on a des mentions explicites de banquets dans des textes qui font référence exclusivement au banquet royal et à la munificence des rois salaminiens du 4e siècle. On trouve par exemple à propos de Nicoclès, alors c'est un extrait de Théopompe hein, qui est cité par Athénée, donc qui parle de la rivalité entre Straton, c'est le roi Abdachtarte de Sidon et Nicoclès de Salamine, je cite, il passait une grande part de son temps à la manière des Phéaciens d'Homère, qu'il décrit dans son poème au milieu de leurs fêtes, buvant et écoutant des joueurs de cithares et des chanteurs. Leur rivalité, donc entre ces deux rois, arrivait à ce point, nous dit-on, qu'en apprenant des visiteurs les aménagements de la maison de l'autre et le luxe de ses sacrifices, ils essayaient de se surpasser réciproquement dans ces domaines. À propos de Nicocréon, donc là, le successeur, hein, un autre, le dernier roi de Salamine, chez Plutarque, dans la vie d'Isocrate, donc comme Isocrate assistait, je cite, à un banquet chez Nicocréon, tyran de Chypre, les convives le priaient de parler, et donc Isocrate répond, les propos pour lesquels je suis habile n'ont pas leur place en ce moment, et pour ceux qui ont leur place en ce moment, je ne suis pas habile. Dernière citation, toujours à propos de Nicocréon, hein, c'est Macon dans Athénée qui dit, donc comme Axiothéa, la femme de Nicocréon, pénétrait avec une petite esclave dans la salle du banquet, elle laissa échapper un bruit incongru. Aussitôt, elle marcha avec sa sandale de Sicyone sur une amande et l'écrasa. Stratonikos comprit son intention et dit, ce n'est pas le même son. La nuit même, pour cette plaisanterie, il expia dans les flots sa liberté de langage. Donc, c'est une citation qui a l'intérêt de montrer qu'en effet, comme chez les Phéaciens d'Homère, les femmes, hein, participent au banquet, hein, sont admises au banquet, des hommes. Donc, on le voit chez les auteurs grecs et latins, le banquet chypriote est avant tout un banquet royal et il sert avant tout à mettre en avant le caractère oriental, fastueux et despotique, hein, de la cour chypriote à l'époque classique. Mais somme toute, ça reste des sources assez pauvres, hein, quand on essaie d'en tirer des informations concernant les cadres et les modes de la pratique du banquet. Donc il faut se tourner vers d'autres types de documentation. L'autre grande série de documentation, ce sont les images, l'iconographie. Ce sont elles, donc ces images sculptées, peintes ou gravées, qui fournissent la majeure partie de la documentation concernant le banquet chypriote. Bon, avant de les aborder, j'aimerais poser deux garde-fous qui vont paraître très certainement évidents, mais qui me semblent importants de répéter. Tout d'abord, que ces images ne reflètent pas la réalité, hein, que les banquets en images ne sont pas la reproduction d'un banquet réel, mais évidemment la représentation, hein, d'un banquet. Donc les gestes, les situations, les objets sont avant tout significatifs de cette représentation, donc de la signification antique, locale de cette pratique. Deuxième point, plus spécifique à Chypre, c'est que les images chypriotes de l'âge du fer ne sont en général pas narratives. Donc on n'a pas un déroulé d'une action continue, mais souvent on a un rapprochement sur une même image de plusieurs actions ou objets qui sont des symboles abrégés d'une ou plusieurs actions. Alors, quel type d'image avons-nous pour aborder donc la pratique du banquet à Chypre à l'âge du fer? Premier type de documentation, la sculpture. C'est une documentation qui apparaît à la fin de la période étudiée, hein, qui date pour l'essentiel des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ. La majorité des représentations sculptées de banquets figurent sur des reliefs funéraires, dont vous avez deux exemples ici. On remarquera d'ailleurs, hein, que ce type de représentation apparaît à Chypre dès le 5e siècle, hein, avant les premières attestations dans le monde grec. Le personnage donc est toujours, hein, à peu près dans la même position, allongé sur une couche, sur un lit, le coude appuyé sur des coussins, et ce qui est intéressant, c'est qu'il tient, hein, toujours dans la paume ouverte de sa main une coupe de type oriental. Donc on le voit bien sur celle-ci, qui est vraiment une coupe dont le prototype, hein, est métallique, de type achéménide. Donc jamais un vase de type grec à anse et à pied. Le personnage qui est représenté parfois seul, hein, comme sur cet exemple, il est parfois aussi accompagné d'une femme, certainement l'épouse, qui est assise sur le lit de banquet, parfois aussi d'enfants, hein, on le voit ici sur cette représentation, donc à la fois l'épouse et l'enfant qui est debout à côté. Bon, outre la coupe pour la boisson, hein, qui à elle seule peut résumer donc le banquet, on a parfois donc la représentation d'une petite table sur laquelle sont posés des fruits, hein, des pommes, des grenades, qui peuvent être aussi tenues par les personnages ou donc posées sur une petite table au premier plan. Il existe une version en terre cuite, hein, de ces reliefs funéraires dans la nécropole de Marion, donc d'époque classique, où on a des statues en terre cuite en trois dimensions, hein, de personnages, en généralement seuls, parfois accompagnés d'un personnage debout, serviteur ou un enfant. Le thème du banquet, donc ce type d'image, est aussi employé pour des représentations, pour des monuments funéraires plus luxueux, hein, qui étaient cette fois certainement réservés à l'élite, donc la famille royale ou le cercle proche. Donc voilà un exemple avec un sarcophage de calcaire qui a été trouvé à Golgoï, donc dans une des nécropoles de Golgoï, hein, au centre de l'île. Donc un sarcophage de grande qualité avec des décors figurés donc sur les quatre côtés, une scène de banquet sur ce côté-ci, une représentation mythologique ici où on distingue donc Persée hein, qui s'en va avec son chien, la Gorgone décapitée d'où sortent Chrysaor et le cheval ailé. De l'autre côté, une représentation de personnages en char. Hein, donc ça, c'est un thème classique dans l'iconographie royale chypriote, hein, où on voit donc, puisqu'on sait hein, grâce à Hérodote que les rois chypriotes combattaient en char au 5e siècle, donc pendant la révolte ionienne, donc avec le serviteur hein, qui conduit le char et le roi à l'arrière, et une représentation de chasse sur l'autre grand côté. Donc on le voit, la scène de banquet est associée à des activités royales, hein, la chasse, la guerre en char, et bon, une scène mythologique qui là aussi est associée à l'idéologie royale. Bon, c'est un thème dont j'ai parlé lors d'un autre thème commun de la MOM, hein, celui sur le patrimoine, hein, où j'ai déjà parlé des rapports entre Persée et les rois de Chypre, donc je n'y reviens pas ici. Donc la scène de banquet, la figure 4 banqueteurs, qu'on retrouve dans la même position que sur les stèles funéraires. Hein, donc ils sont couchés sur des lits, le coude appuyé sur des coussins. On retrouve devant les lits hein, des petites tables sur lesquelles sont posés des fruits ou des gâteaux. Dans le champ à gauche, le cratère dans lequel on va puiser le vin. Le service du banquet est complété par les coupes que tiennent les personnages. Et alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez à la façon dont ils tiennent ces coupes, ce sont des coupes de type grec, donc des coupes à anse et à pied, et non plus les coupes orientales qu'on tient dans la paume ouverte comme on avait sur les autres types de représentations. On ajoute au service du banquet donc la petite cruche et la louche que tient le serviteur. Et dernière bon, différence notable, non seulement donc dans le mobilier, la vaisselle du banquet par rapport aux stèles funéraires, c'est aussi les personnages hein, qui ne sont pas les mêmes, puisqu'on retrouve un enfant et des femmes, mais ce n'est pas le même type d'enfant et ce n'est pas le même type de femme, hein, puisque là, il s'agit clairement de courtisanes, et l'enfant, il s'agit clairement d'un esclave. Hein, c'est donc un cadre qui est différent du cadre des autres représentations, qui n'est plus le cadre familial. De manière générale, hein, l'iconographie, on le voit, s'inspire largement de celle des vases grecs. C'est vraiment la représentation du banquet à la grecque et non pas la représentation plus locale qu'on a pu voir sur les autres types de monuments funéraires. On n'a aucune attestation hein, littéraire, épigraphique ou archéologique, en tout cas en l'état des publications hein, qui témoigneraient de l'existence de banquets funéraires. Bon, la présence sur beaucoup de stèles d'une femme, donc clairement l'épouse et d'enfants, dont il est clair qu'il s'agit des enfants du défunt, montre qu'il ne s'agit pas d'une évocation héroïque du mort et la représentation fréquente de banqueteurs sur les stèles funéraires chypriotes semble plutôt évoquer le statut social du défunt et de sa famille. C'est aussi ce qui ressort, me semble-t-il, hein, de cette représentation sur le sarcophage royal de Golgoï, hein, où la représentation de banquet est accompagnée de représentations d'activités royales, la guerre et la chasse. Pour rester dans le même type de documentation, donc sculptée, je connais une seule représentation de banquet qui ne soit pas funéraire. C'est ce relief votif qui provient de la même, du même endroit, hein, de Golgoï. Ce sont toujours les fouilles Cesnola du 19e siècle, donc le contexte est assez mal connu, mais on sait qu'il a fouillé hein, plusieurs sites de sanctuaires, un ou deux sites de sanctuaires à Golgoï. Bon, il s'agit d'un relief votif qui a été déposé en ex-voto. Dans la partie supérieure, donc, on distingue une procession, hein, de personnages qui vont vers la divinité, hein, sûrement Apollon, hein, qui est reconnaissable, hein, avec trônant et la lyre. Ensuite, en dessous, une scène de danse, ici, qui mêle à la fois jeunes gens et une femme. Et à droite, une scène de banquet avec des personnages allongés et assis, tous masculins. Et on remarque qu'on retrouve le geste, hein, qui était celui des reliefs funéraires chypriotes. Donc ils tiennent cette coupe de type oriental, donc sans pied et sans anse, dans la paume ouverte de la main. Au premier plan, il y a un joueur de double flûte. Et alors, un vase, une jarre globulaire, peut-être un psyctère, hein, et à l'intérieur, donc c'est très difficile à distinguer parce que c'est pas gravé, mais c'est peint, hein, il y a une amphore qui repose dans ce vase. Il y a deux signes aussi syllabiques à droite de l'amphore, ici, donc au pas. On fa, selon Masson, ce qui ferait donc, qui renverrait à une idée d'oracle. Bon, il est difficile d'interpréter la signification d'ensemble de la scène. Hein. La scène supérieure évoque un cadre plutôt familial et la scène inférieure des cérémonies liées au culte de l'Apollon de Golgoï. Autre type de documentation iconographique, les coupes métalliques. Alors ça, c'est une documentation plus ancienne, hein, qui date des 8e, 7e siècles avant Jésus-Christ. Les représentations de banquets y sont nombreuses et placées dans différents registres. Alors d'abord sur ce bol en bronze qui est au Metropolitan Museum, qui appartient aussi à la collection Cesnola, on a donc des représentations de banquets dans deux frises superposées autour donc du médaillon central. On trouve donc dans la première frise, hein, on le voit peut-être mieux ici, hein, des représentations des hommes allongés avec un genou replié. Ils tiennent tous dans leur paume ouverte une coupe de type levantin, donc sans pied, sans anse. Autour d'eux, donc, on repère des serviteurs qui portent différents objets et des musiciens. Une frise de type voisin au-dessus, hein, où on voit un personnage là à nouveau allongé et des serviteurs qui portent des offrandes et aussi peut-être donc des animaux conduits en offrande. Sur le bol fragmentaire, toujours de la collection Cesnola, une représentation un peu plus développée. Donc on voit dans le registre supérieur deux personnages banquetants allongés, cette fois donc un homme et une femme, entre eux donc une table portant un certain nombre de victuailles, autant qu'on puisse les identifier sans doute des fruits. Et derrière, donc, on voit une série de musiciennes, une servante, hein, portant donc une coupe et une cruche, une amphore cratère, derrière une nouvelle table avec dessus donc une amphore, des cruches puis des louches, hein, qu'on voit pendre sur les côtés. Et puis un certain nombre de personnages portant des objets qui ont été interprétés comme des victuailles, hein, donc des oiseaux, des cuisseaux d'animaux. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'il y a une inscription chyprosyllabique, donc qui a été pendant longtemps très mal interprétée, puis à l'occasion de la nouvelle présentation des salles, hein, chypriotes du Metropolitan Museum, on a restauré cette coupe, et donc l'inscription, cette fois, est apparue nettement, a pu être lue. Donc le personnage masculin, hein, au-dessus, on a un mot qui se termine par laisser, alors sans doute Basileus, Basileus, le roi, et au-dessus du personnage féminin, un nom bon, qui se lit sans aucun doute, Kyriakos. Cypromédoussa, c'est-à-dire celle qui règne sur Chypre. Alors, ça avait été interprété comme une scène de banquet avec un personnage masculin, un personnage féminin. Et Antoine Hermary a proposé de voir dans ce nom, hein, Cypromédoussa, une épiclèse divine, et en fait un nom qui se rapporterait à la grande déesse de Chypre. Et on aurait donc une représentation du roi et de la déesse. Donc, une évocation, hein, d'un rite dans lequel le roi joue le premier rôle. Ce qu'il faut noter aussi par rapport aux représentations qu'on a vues jusqu'à présent, c'est l'apparition de viandes, hein, et des viandes qui sont des viandes à griller. J'y reviendrai tout à l'heure. Une autre représentation sur un bronze d'Idalion où on retrouve les mêmes composantes, hein, on voit cette table très, très chargée avec bon, ces choses rondes, peut-être des fruits. Une autre table, hein, avec des vases et on retrouve donc des musiciennes, des servantes. La différence donc des personnages dansant, musiciennes, servantes portant des choses, la différence c'est que le personnage n'est pas couché mais assis, trônant. On voit, elle tient dans la main gauche soit une coupe, hein, qui serait représentée, donc cette coupe sans pied, sans anse qui serait représentée, soit un fruit. Et de la main droite, elle respire donc le parfum d'une fleur de lotus. Et ça aussi, c'est un motif qu'on va retrouver sur les représentations peintes sur les vases. Enfin, bon, une représentation malheureusement donc très en très mauvais état de conservation, hein, d'un bol de salamine qui a été trouvé donc fin 19e par la mission britannique du British Museum à Salamine, où on trouve donc une représentation de banquet, mais intéressante là aussi, puisque le personnage trônant là, est clairement représenté sous la forme d'Isis, hein, Isis allaitant l'enfant Horus, et en face, un banqueteur allongé, hein, les deux personnages tendent les bras l'un vers l'autre, donc peut-être le roi, hein, on pense à nouveau à ce type de représentation qui associe le roi et la grande déesse. Derrière, toujours un certain nombre de représentations, donc un serviteur avec une cruche, un dinos, hein, donc qui est intéressant aussi, un cratère de type levantin sur son pied mobile, hein, c'est un vase qui est posé sur un pied mobile. Banqueteur, objet, musicienne, on trouve un autre personnage assis buvant et un certain nombre de scènes érotiques. Dernière chose aussi qui est intéressante, c'est la présence d'une amphore de type chypriote, hein, une amphore à anse de panier qui est là avec même le bâton, hein, pour la porter. Donc on le voit, les images de banquet sur les coupes métalliques sont variées, mais somme toute cohérentes. Il y a des variantes, hein, parmi les variantes, on peut noter les variantes dans la position, assise ou couchée, dans le détail des objets ou des gestes. Mais parmi les constantes, on voit l'accent qui est mis sur le caractère religieux, culturel de beaucoup de représentations, avec l'inscription, avec des représentations parfois sans aucune ambiguïté, hein, comme la représentation du personnage féminin sous la forme d'une déesse égyptienne, et aussi la présence d'un personnage masculin de haut rang, hein, qui est, dont le statut est souligné soit par l'inscription, soit aussi, hein, par la présence, le port d'une couronne, double couronne de type égyptien. Etc. Donc on a vraiment la représentation d'un roi banquetant avec la déesse. Bon, évidemment, ce sont des objets exceptionnels, hein, ces coupes métalliques, hein, qu'on a retrouvées dans des tombes royales, hein, une vaisselle métallique qui appartenait à l'élite. Autre type de documentation iconographique, la peinture sur vase. Alors les images, cette fois, hein, détaillées ou raccourcies de banquets sur les vases sont nombreuses et elles couvrent l'ensemble, tout le champ chronologique, hein, que j'ai délimité, donc du 11e jusqu'au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors je ne vais pas toutes les passer en revue, mais simplement évoquer les exemples qui sont significatifs ou qui se placent à la tête d'une série. Alors, on retrouve, comme sur les coupes métalliques, un certain nombre de représentations peintes qui s'inspirent d'ailleurs sans doute des coupes métalliques et qui se situent donc dans une atmosphère, dans un cadre royal, religieux. Donc, la plus célèbre, hein, c'est l'amphore Hubbard, donc avec un personnage trônant qu'on voit ici hein, avec son marchepied. Hein, donc un personnage qui représente sans doute la déesse. On voit, c'est un cadre cultuel avec le bucrane hein, qui est placé ici de l'autre côté. Personnage buvant à l'aide d'un chalumeau dans une amphore qui est posée sur une petite table. Une servante devant elle qui tient trois cruchons et sur la petite table devant le personnage, on voit des cruchons à nouveau et des coupes de type oriental levantin sans anse. Bon, évidemment, c'est un motif qui est bien connu en Orient, hein, ce motif-là, c'est le motif de la façon dont on boit la bière, hein, consommation qui n'est pas autrement documentée à Chypre. Il y a une représentation qui est très proche de l'amphore Hubbard, mais qui est sur une cruche black on red qui a été trouvée à Chrysorou, dont l'intérêt est qu'elle représente un personnage, cette fois masculin, qui tient, on le voit, hein, qui cumule les deux façons de boire, hein, puisqu'il boit au chalumeau dans l'amphore, mais il tient aussi dans la paume ouverte de sa main hein, la coupe de type levantin, sans anse, sans pied. Bon, il y a un serviteur qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai mis la vue d'ensemble, un serviteur qui est intéressant derrière parce qu'il tient l'éventail. L'éventail, c'est un type de mobilier, d'objet qui est lié au statut du personnage. Hein. L'éventail, c'est pour les personnages de type royal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il tient dans l'autre main un poisson. Donc, on avait des allusions donc, à la consommation de viande, en particulier d'oiseaux, dans les représentations précédentes. Et ici, donc, on a notre type d'alimentation carnée avec le poisson. Et je rappellerai simplement que parmi les activités viriles hein, qu'on voit représentées sur les vases, il y a la chasse aux bêtes sauvages, les sangliers, les bêtes à cornes dans la montagne, mais il y a aussi souvent la pêche qui est représentée. Alors, on peut sans doute rapprocher ces deux images de celles que portent les coupes métalliques, je l'ai dit, mais aussi le décor d'une amphore de la collection Cesnola, où donc là, on voit des personnages qui ne consomment rien de solide, mais qui sont exactement dans la même position que les personnages du banquet hein, qu'on a vu tout à l'heure, mais qui sont en train de respirer des fleurs de lotus. Et donc, je me demande s'il n'y a pas une allusion à un autre type de consommation qui pourrait faire partie du banquet, hein, cette fois une consommation non pas d'aliments et d'alcool, mais peut-être de la drogue, hein, et qui ferait partie, donc on le voit, avec, ils sont dans une position de bien-être absolu, que ça est sans doute quelque chose qui participe aussi du banquet tel qu'il est représenté dans les images chypriotes. Alors, les représentations de banquets collectifs, elles, sont très rares dans la peinture de vase. Et je ne connais qu'un exemple qui est relativement connu, c'est cet amphorisque du style d'Amatonte, qui a été trouvé à Amatonte, ça tombe bien, qui est couramment appelé banquet champêtre, mais bon, il s'agit de davantage que d'un pique-nique dans les champs. Et Annie Kobe a bien montré les modèles orientaux hein, d'où dérive ce motif. Et moi, j'insisterai de mon côté sur le mobilier de type absolument grec, ce qui est exceptionnel dans la peinture de vase, que tiennent les personnages. Hein, ils tiennent des coupes de type grec à pied, qui tiennent par le pied. Hein, on pense à un calice de Chios, hein, on le voit peut-être plus sur celui-là. Donc, ce n'est pas du tout la façon dont on tient ailleurs les vases avec la pomme ouverte, enfin les vases à boire avec la pomme ouverte. On a aussi donc autre série de représentations iconographiques qui fait sans doute allusion au banquet ou à des pratiques de banquet. Quelques exemples de personnages, toujours masculins, qui sont en train de boire. Alors j'ai choisi de vous mettre la représentation la plus ancienne, puisqu'elle date du XIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est intéressante même si elle est très sommaire, parce qu'on voit un personnage donc debout ici avec un bouclier en forme de 8, donc quelque chose qui est complètement archaïsant, et qui tient donc une kylix de type mycénien. C'est quelque chose de tout à fait remarquable, hein, puisque c'est donc déjà une représentation archaïsante au XIe siècle. Bon, enfin, dernière grande série de représentations sur vase, ce sont les représentations abrégées du banquet. Alors, je les passe vite en revue. Là aussi, une amphore relativement ancienne de Calorisiki. Hein, on voit un personnage, donc le banquet, représenté par le geste de puiser avec la cruche dans le cratère où est contenu le vin, et l'association entre le banquet et la musique hein, qu'on voit avec ces deux représentations. On a les mêmes symboles découpés sur l'amphore du Louvre, hein, avec au centre, donc toujours le cratère, amphore, la cruche pour puiser, hein, qui est posée au-dessus. On retrouve l'instrument de musique et on ajoute deux choses, la table et le plateau pour servir les viandes. En poussant encore plus loin, de manière encore plus abrégée, on a des séries comme ça qui sont représentées sur les vases. Donc là, en plus, la forme du vase elle-même est intéressante, hein, puisque c'est une reproduction, une imitation à la chypriote d'un cratère de type géométrique, pardon, attique. Et on voit représenter à la fois donc des plateaux, des grands plats pour présenter, des cruches et dernier objet essentiel au banquet, le peigne, hein, puisque ça fait partie des représentations qui sont toujours associées aussi. Et on peut suivre comme ça le motif du peigne qui est toujours associé aux représentations consommation de vin sur, enfin, au symbole de la consommation de vin sur les vases chypriotes. Donc, plusieurs remarques, hein, rapides après ce passage en revue de la documentation figurée. D'abord, on voit l'essentiel des représentations porte sur la consommation de boissons alcoolisées et sans doute aussi du vin. La consommation d'aliments, fruits, viande, poissons est aussi illustrée, mais toujours, semble-t-il, sous la forme d'aliments qui sont mangés crus ou grillés. Hein. On ne voit pas de personnages mangeant des ragoûts ou des soupes. Les objets représentés sont donc ceux qui sont liés à la consommation de vin et de viande grillée, l'amphore, cratère, la cruche, éventuellement les louches, les coupes, les plats, et puis bon, pour le mobilier, les lits, les trônes, les tables. Donc il y a des variantes là aussi, avec des représentations de consommation collective ou individuelle, assises, et il semble que souvent il s'agisse de divinités, ou couchées. Et on voit aussi qu'il y a des variantes dans le mode de consommation, hein, dans les ustensiles de la consommation, hein, qui font référence soit au monde grec, soit à une pratique à l'orientale. Les associations, ce sont des cadres rituels et ou héroïques, et l'accent est mis, hein, sur l'association très étroite entre la divinité féminine et un personnage masculin, sans doute le roi. Et enfin, le banquet est associé avec d'autres activités, la danse, la musique, voire des pratiques érotiques, et avec d'autres types de consommation, hein, peut-être celle de drogue. Dernier type de documentation, l'archéologie, sur laquelle je vais passer rapidement, puisque la documentation, je vous l'ai dit, est très incomplète et qui manque les données de l'habitat. De même, hein, on n'a pas trouvé de dépôt, de fosses, hein, ou de tranchées qui correspondraient au rebut d'un banquet. On en a trouvé pour l'âge du bronze, ou en tout cas, on a publié comme reste de banquet, hein, des dépôts trouvés en particulier à Calavassos, hein, dans un niveau du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais donc pas pour les périodes qui nous intéresse. Alors la céramique d'abord, les assemblages découverts dans les tombes royales et dans les palais, donc montrent, d'après les types de céramique qu'on y a retrouvés, que le banquet occupe une place importante, sinon dans la réalité de la pratique royale, du moins dans la représentation que les rois veulent en donner. Alors les services de banquet sont très bien représentés dans les tombes royales tout au long de l'âge du fer. Donc un exemple au début de la période avec les tombes de Palais Paphos-Calès, avec donc des céramiques culinaires à gauche, hein, dont on remarquera qu'elles sont de type égéen, et à droite des fragments d'obéloï, hein, de broches à rôtir, dont on voit l'importance puisqu'elles sont inscrites. Hein. Bon, et donc on a vraiment tout un répertoire de vases à feu de type égéen. Il faut compléter évidemment cette image avec les vases à consommer, les plats et les coupes. Si on va plus loin dans la période, dans le matériel des tombes royales de Salamine du 8e, 7e siècle, on trouve là aussi donc un matériel lié au banquet abondant, avec donc des vases de cuisson, hein, des marmites. On trouve aussi donc des chaudrons, des broches, des chenets. Et une vaisselle de table abondante, des plats, des coupes, et en particulier de belles séries de coupes importées d'Attique. C'est somme toute le même faciès que l'on trouve dans les rares dépôts qui soient connus de palais. Donc là, je pense au dépôt du palais d'Amathonte, hein, de la fin de la période archaïque, où on a aussi énormément de matériel de cuisson pour faire griller, et non pas de broche, on n'a pas de broche, mais on a des grilles, et des céramiques à feu. Et donc là, je donne un exemple avec un vase de dimensions très importantes. Et une belle vaisselle de table là aussi, avec beaucoup d'importations attiques et de belle qualité, hein, puisqu'on a retrouvé par exemple une coupe signée Damasis. Et on doit aussi sans doute compléter ce répertoire avec les très très nombreux mortiers, hein, qu'on appelle généralement des bols perses, bon, dont on a suggéré qu'ils servaient à la distribution de rations et dont je pense qu'ils servaient plutôt à écraser des épices à mélanger dans le vin. Et si on compare cet assemblage du palais d'Amathonte par rapport à l'assemblage du sanctuaire d'Aphrodite contemporain, hein, l'assemblage du sanctuaire d'Aphrodite est très pauvre. Un dernier point donc, sur les ossements animaux, tout en sachant que donc l'absence de données concernant l'habitat rend toute conclusion largement hypothétique. Bon, les assemblages fauniques des sanctuaires chypriotes montrent une prédominance des ovicaprinés, suivis par les bœufs. On a aussi quelques espèces sauvages, des restes de poissons, d'oiseaux. Seul fait remarquable, c'est que le porc est presque complètement absent de la plupart des sanctuaires. Il est à noter bon, que les ossements ne portent généralement pas de traces de feu, et seule exception, ce sont les ossements du sanctuaire de Kition-Kathari. Mais la présence d'ateliers, hein, à l'intérieur du sanctuaire a amené à suggérer que les ossements étaient utilisés comme combustible pour les fours des ateliers, hein, donc c'est toute la difficulté d'interpréter les vestiges. Alors, en conclusion, ce rapide tour de la documentation montre, il me semble, l'importance du banquet, ou du moins de l'imagerie, des images liées au banquet dans la société chypriote de l'âge du fer. Ces images renvoient en particulier à deux contextes, un contexte religieux, culturel. Donc, si l'existence de banquets cultuels n'est pas assurée, hein, l'absence de texte, on a en tout cas des représentations du banquet auxquelles participe la divinité, en particulier sur les coupes métalliques. Et un autre contexte, hein, qui est lié, c'est le contexte social. Le banquet est une pratique de l'élite, et même dans la plupart des représentations, on le voit, c'est souligné, c'est une pratique royale. Et c'est dans ce contexte qu'il faut, me semble-t-il, interpréter le choix des références, et notamment du mobilier qui est souvent changeant, je vous l'ai dit, entre modèle grec, banquet à la grecque, et banquet à l'oriental. Il est intéressant aussi de constater que les deux domaines, évidemment, s'interpénètrent sur bon nombre de représentations. C'est le roi qui banquette avec la divinité, et cette familiarité, intimité du roi avec la divinité est certainement un trait prégnant de la royauté chypriote. Bon, alors que conclure finalement du banquet à Chypre à l'âge du fer? Qu'il y avait des banquets funéraires peut-être, mais on n'en a pas de traces, autres que donc ces reliefs qui font allusion à des banquets, mais qui ne sont pas forcément funéraires. Qu'il y avait des banquets cultuels sans doute, mais les sources sont peu nombreuses. Et finalement, seul le banquet royal est documenté par l'ensemble des sources écrites, iconographiques et archéologiques. Et cela montre, me semble-t-il, que c'était l'une des pratiques, l'un des modes de reconnaissance de la royauté chypriote, l'une de ses caractéristiques qui façonne un modèle chypriote royal unique, malgré le morcellement politique et culturel de l'île. Merci. Est-ce que vous auriez questions, remarques? J'ai été intriguée par ton identification de ces objets à dents comme des peignes. Et je me demandais est-ce que ça me fabriquait dans un contexte de banquet. Et je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de porte-broche. Parce qu'on a alors des indications. On grillait les viandes sur des broches dans ces contextes de banquet. Alors nous, on appelle les porte-broches, mais c'est multiple aussi. Et j'imagine qu'une fois les broches posées dessus, ça devait ressembler à des peignes. Parce que la taille par rapport aux amphores, Oui. Si c'est respecté, Non. c'est Non, pas c'est pas respecté. Et en fait, ce sont des images qui ont dans une série d'images. Et parfois, c'est pas une portée par des personnages. Donc, ce sont des objets petits. Ce sont des objets petits. Et quand les représentations sont très détaillées, c'est exactement la même chose que les peignes en ivoire qu'on trouve, avec exactement le même type de décor dessus. Et le peigne en Orient, c'est quelque chose. On a des représentations de banquets sur des peignes. Ça a été étudié par Annie Cobé en particulier à propos des représentations d'ours. Hein, on a des choses comme ça. Donc le peigne est vraiment associé à ces pratiques-là. Après tout, pourquoi pas. Enfin, quand on a les récits homériques, il faut se faire beau avant d'aller au banquet. Donc on prend un bain, on se lave et le chaudron. Enfin, quand on regarde dans l'Iliade, le chaudron, ça sert à faire chauffer l'eau pour le bain, hein, pas à faire cuire les viandes. Donc je pense. Enfin, moi, je suis pas choquée par le fait qu'un objet de cosmétique soit lié au banquet. Il serait peut-être alors même réservé à des circonstances Alors ça, particulières. j'en sais rien. Réservé, je ne sais pas, parce qu'il faudrait qu'on ait d'autres types de représentations pour le savoir. Mais en tout cas, que le peigne en tant que tel puisse, comme raccourci, faire allusion au banquet aussi bien qu'un cratère, je pense que oui, dans les représentations, je dirais, parce que ça s'insère. Évidemment, là, je donne qu'une représentation, mais ça s'insère. On a toute une série de représentations de ce type-là, de peigne à deux dents, qui est le peigne oriental connu. Depuis l'âge du bronze. Et ça s'inscrit vraiment de ça dans une tradition orientale. Une question? Pardon, j'ajoute, mais on a quelques autres représentations qui ont été interprétées comme des porte-broches. Et on a les broches qui sont posées, ça fait plus faisceau que D'accord, peigne. ça se présente. Voilà. Mais je ne sais pas si ce sont des porte-broches. Hein. Ouais, tu as bien fait remarquer que les premières scènes de banquet que tu nous as montrées, eh bien, il y avait des fruits et des gâteaux, enfin des choses que tu interprétais ou que vous Oui. interprétiez de cette manière-là et que ça manquait un petit peu de viande, quoi. Et je me Voilà. demandais, est-ce que c'est pas plutôt les scènes sur les stèles funéraires qui ont toutes ces formes qui rappellerait des fruits ou des gâteaux. Non, parce qu'on les retrouve sur les autres, sauf que sur les autres, on a autre chose aussi. On n'a pas que les fruits, tandis que sur les stèles funéraires, on n'a vraiment que ce type-là de représentation. Comment? Tu parlais de grill Ouais. et de pic pour griller les viandes, et après, quand tu parlais des études archéologiques, tu disais qu'il n'y avait pas de traces de. Non. Mais je pense. Non, mais ça se voit pas, hein, le feu. Quand tu fais griller une viande, les ossements ne partent pas forcément de traces de feu. Ou alors, ce sont des viandes qu'on a déjà désossées, où on a Mmh. enlevé les ossements, Aussi. enfin les os avant Aussi. de les griller. On voit Mmh. ça en iconographie grecque, sur les vases Oui, ce grecques. sont des Ce lambeaux. sont des lambeaux, ce sont des steaks, hein, des tranches de viande qui sont. Non, ce n'est pas des gigots, ce sont des parties de viande qui sont mises les unes à côté des autres sur les broches, sans l'os. Mais c'est Quand on vrai qu'il y a. recherche Ouais. les os, il y a des traces de tissu dessus. Et puis c'est quand même vrai que sur les images, il y a un choix des représentations qui insiste sur les viandes grillées, parce que quand on compare avec la vaisselle et le mobilier, hein, même dans du domaine palatial, hein, on a essentiellement des choses pour faire bouillir. Hein. Mais c'est pas ce qui est représenté. Une autre question ou une remarque? Bien, dans ce cas, on va passer à l'intervention suivante, donc de Sandrine Hubert. Je fais que des métiers.